on a entendu nos 6 nouvelles entrées, donc on est obligé par la loi de dire au revoir aux 6 qui nous ont quittés. Voici Palmer, rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. On dit que t'es en pleine forme, tu redescends vraiment du sein. Pour ce que tu fais partie de mon monde, jamais je vais oublier ta face. Yes qui ont quitté les Paloirs Assez Fous depuis l'édition du 20 au 26 avril 2015. On a débuté avec Lita et je me souviens déjà plus de cette pièce-là parce que la mélancolie me sort du nez. La pièce s'appelle La mélancolie nous sort du nez. Ça a duré 6 semaines. Ensuite, Mastic est resté collé en dessous d'un bureau avec Nouveaux Empires qui a duré 8 semaines. Le cri du chat s'est fait virevolter par la queue et est allé danser dans un bois avec Danse Sauvage qui a duré 6 semaines. Le couleur s'est fait retirer sa viande froide avec Club Italien qui a duré 9 semaines. Autopilot a vu qu'un mirage pendant 5 semaines avec la pièce Desert Dreams et finalement The High Dials est allé se faire enterrer avec Yester Graves qui a duré 6 semaines. Voilà pour Palmerest in Peace. Maintenant qu'on est entré dans un nouveau palmarès, là, vous ne croirez pas mes paroles, mais je vous le promets que le palmarès qu'on écoute là dure du 27 avril au 24 mai. Hein? Fait que ça va jouer en masse, hein? Puis après ça, ben, vous entendrez plus aucune de ces pièces-là parce qu'il n'y a pas de palmarès c'est fou cet été. Donc, on fait palmarès c'est de pièces en début d'émission, ici même au palmarès c'est fou. Et les montages sont disponibles sur assemblagerequis.com.